Chapitre 26e. Cœur et conscience. Vers le soir, dans un wagon cellulaire, entre quatre gendarmes, Zygomar était dirigé sur Paris. Dans le train se trouvaient Paulin Broquet et Gabriel, qui, malgré les gendarmes au dévouement éprouvé, surveillaient le prisonnier. Paulin Broquet n'avait pas voulu se trouver encore en présence du bandit pour entamer de nouvelles discussions, subir ses railleries. Zygomar arriva à Paris sous un mandat portant un nom fantaisiste délivré par le parquet de Marseille sur les indications du détective. Paulin Broquet tenait surtout à ce que personne ne sût qu'il était le prisonnier, et il fit prendre toutes les précautions pour que son identité ne fût pas connue, son nom révélé. Zygomar fut écroué au dépôt sous le nom que portait le mandat, si j'ose dire, de complaisance. Là, Paulin Broquet savait que Zygomar serait bien gardé. Il téléphona à M. Baumier, son chef, qu'il allait se changer, se refaire un peu, et qu'il lui rendrait compte ensuite de sa mission, d'ailleurs réussie. Mais il se garda bien de lui signaler l'arrestation de Zygomar. En hâte, il regagna son domicile, où la mort, Simon, d'autres lieutenants l'attendaient. La réussite du convoi de la Caisse d'Or était connue à Paris. Les lieutenants du détective tenaient à féliciter leur chef de son habileté. Après avoir serré cordialement les mains de ses hommes, Paulin Broquet s'enferma avec Gabriel et Lamorce. « Voyons, » dit-il à Lamorce, « dis-moi vite ce que tu as à me faire connaître. » Il demanda nerveusement, « Miss Eden, darling ?» Lamorce hésita à répondre, « Ah, chef, si vous saviez. »« Oui, oui, je sais, elles sont reprises par Zygomar. »« Ah, vous savez, oui. Dis-moi ce qui est exact dans tout cela. » »« L'accident de la voiture qui devait jouer le rôle de l'ambulance, je le connais. » »« Passons au moment où Miss Eden et darling sont entrées dans la villa de Zygomar. » « Sais-tu où est cette villa? As-tu revu ces malheureuses ?»« Oui, chef. Tu les as revues ?»« Chef. Quand j'ai vu que Zygomar nous jouait un tour, j'ai fait ce que vous m'auriez ordonné. Je me suis mis en quête. Notre auto, notre ambulance, ayant percé dans un des trous de la ville de Paris, j'ai repris la piste de l'auto-ambulance qui a joué le rôle de la nôtre. Et je suis arrivé jusqu'à la villa. »« Où, la villa? À Garches ?»« Non, chef. À Fontenay-aux-Roses. Une villa jolie. » Entouré de murs, bien défendus. J'ai eu la chance, en fouinant autour, de rencontrer Miss Eden. Je crois même qu'on m'a envoyé Miss Eden quand on m'a aperçu. Passons, alors ? Alors Miss Eden m'a fait entrer dans la villa. Elle pleurait. « Nous sommes tous perdus, me dit-elle, car nous sommes entre les mains des aides. » Les bons shippers aussi pleuraient. On me conduisit dans la chambre de Darling. Elle a failli être tuée d'un coup de poignard par l'ex-femme rousse aux cheveux teints. Darling a été blessé et elle reposait dans son lit. Ah, chef, qu'elle était jolie. Un baby rose dans son lit blanc. Ensuite, Miss Eden alors m'a appris cette chose horrible, épouvantable. Zygomar garde Miss Eden et Darling comme otage. Si vous arrêtez un Z, désormais, il faudra le relâcher. Sans cela, Darling est mis au supplice. Je sais, je sais. Miss Eden vous supplie, si vous arrêtez un Z, de l'avertir, elle. Elle viendra vous parler. Elle veut... » Paulin Broquet interrompit Lamorce. « Assez, je sais, » il demanda. « Est-ce que nous pourrons, ce soir, tout de suite, tenter un coup de main, prendre d'assaut la villa de Fontenay-aux-Roses et enlever par la force Darling et Miss Eden ?» Lamorce secoua la tête. « Non, chef, » répondit-il. « J'ai bien étudié cette question. J'étais en rage, moi aussi. J'ai pensé à une bonne revanche. »« Pas facile. Impossible, chef. Il ne faut même pas tenter. Pourquoi ? Parce qu'en cas d'attaque, les aides qui gardent Darling ont ordre de la tuer dès que Paulin Broquet pénétrerait dans la villa. Si on arrivait à temps, pas possible, chef. Ah, ils m'ont bien montré tout cela. Darling est lié à son lit, tout mignon, tout coquet, mais le lit est machiné. Sous le matelas, il y a une boîte de bois contenant une éponge pleine d'essence. Dans cette éponge se trouve une bougie électrique reliée à une batterie commandée du dehors. L'homme de garde n'a qu'à appuyer sur un bouton à la première alerte. L'étincelle jaillit, l'éponge d'essence prend feu... Et aucun secours n'est possible. Darling sera brûlée vive. C'est infernal, dit Paulin Broquet. Cet homme est vraiment le génie du mal. À ce moment, Jules, le fidèle serviteur, vint présenter une carte à son maître. Elle ? S'écria le détective. Avant qu'il ait pu donner un ordre, Miss Eden pénétra dans le bureau. Oh, ne refusez pas de me recevoir. C'est la mère qui vient vous supplier. C'est la maman de Darling. Et elle prit les mains de Paulin Broquet. Très ému, Lamorce et Gabriel discrètement s'éclipsèrent. « Lamorce vous a dit, » fit-elle. « Vous savez tout. Il faut le remettre en liberté. Vous savez donc que je l'ai pris. Tom Twig vient de m'en informer. Tom Twig m'envoie près de vous pour vous dire que si demain, à cette heure-ci, Zygomar n'est pas parmi les aides, Darling subira le premier supplice. Cher ami, déjà, les verges tremblent dans l'acide oxalique. Demain, je tiendrai dans mes bras le corps abîmé, couvert de sang de mon enfant. Demain, Paulin broquait doucement, péniblement, dit à Miss Eden. Savez-vous comment s'appelle ce que vous me demandez là? Quel que soit le nom que vous lui donniez, ce sera de votre part un acte de générosité, de grandeur. Cela s'appelle manquer à son devoir. Cela s'appelle trahir sa mission, faire plier sa conscience. Cela est de la bonté, et la conscience doit céder au cœur. C'est à l'homme de conscience que je parle, et c'est à votre cœur que je demande ma fille, mon enfant, la vie de ma darling. Et, entraînée, Miss Eden, suppliante, se laissa glisser en pleurant à genoux devant le détective. À vous, qui êtes brave homme, comme le plus brave, grand comme le plus grand, noble comme le plus noble, je ne demanderai pas un acte de trahison, de félonie, de bassesse, de lâcheté. À vous, qui avez voulu sauver Darling, je viens dire sauver Darling. Vous auriez pu déjà tuer Zygomar, et votre main n'a pas abattu ce misérable, parce que je vous avais dit, cet homme seul peut me rendre mon enfant, ne le tuez pas. Aujourd'hui, il est votre prisonnier, laissez-le partir, puisque la vie de Darling dépend de lui. Vous ne transigez pas avec votre conscience, et vous ne trahissez pas plus votre devoir qu'en ne le tuant pas quand vous pouviez le faire. Écoutez votre cœur, ami, votre cœur, qui parle pour nous, pour Darling. Doucement, bien qu'elle opposât la résistance et voulût rester à genoux jusqu'à ce qu'il lui ait promis de céder à sa demande, Paulin Broquet releva Miss Eden. « Madame, je n'ai pas à discuter plus longtemps avec vous sur ce point douloureux, et je ne veux point mettre en opposition ma conscience de serviteur de la justice et mon cœur d'homme privé. Ma conscience me dit qu'aveuglément, quelles que soient les conséquences douloureuses, il faut obéir à son devoir. Oh, mon ami, par pitié !» implora Miss Eden. « Attendez. Mon cœur me commande de vous obéir à vous. Alors, j'enverrai ma démission à mon chef en lui disant que j'ai failli mon devoir et je rendrai Zygomar à la liberté. Et vous sauvez mon enfant. Merci, merci. » D'instinct, d'un mouvement spontané, Miss Eden s'approcha de Paulin Broquet, lui passa les bras autour du cou et lui dit, mettant toute son âme sur ses lèvres, « Tu es grand, tu es brave, tu es bon. Si tu as écouté ton cœur, écoute aussi le mien, mon cœur qui ne bat plus que pour Darling et pour toi. » Paulin Broquet ne répondit rien, il ne pouvait parler. Tendrement, il serra contre sa poitrine la plus belle des femmes, et comme il se penchait sur ce front dont les cheveux blonds avaient déjà place de Clichy, quand fut tuée Bianca, la petite danseuse, puis au jour de la bataille, ici dans le corridor, et autrefois là-bas chez Ulma quand il attendait la mort, dont les cheveux blonds avait frôlé si délicieusement ses lèvres, il rencontra au lieu de ce front la bouche de Miss Eden. Il y cueillit cet aveu. « Je t'aime ».